Je roule à 100 à l'heure et la route est étroite. Plus je regarde au loin et plus je la trouve étroite. Le moteur qui flanche finit la balade. Rien à l'horizon et pas l'ombre d'un rade. Je repense à la vie que j'ai quittée hier soir. C'est pas la première, mais cette fois j'ai le cafard. Je voudrais bien rentrer pour lui dire que je regrette, mais je suis là coincé sans même une cigarette. Je voudrais être de retour en ville. Je voudrais être dans les bras du film. Je voudrais être de retour en ville. Je voudrais être dans les bras du film. Voiture, faudra bien qu'elle s'arrête. Je lui dirai rouler ou je vais perdre la tête. Faut faire demi-tour avant qu'il soit trop tard. Je languis des lumières et je languis des boulevards. Je voudrais être de retour en ville. Je voudrais être dans les bras du film. Je voudrais être de retour en ville. Je voudrais être dans les bras du film.